cochons dans l'espace. Avec moi, président. Des prisons seront construites. L'immigration sera stoppée. Et le chômage, réglé. Yes, naturally. I think it is a great victory for the Front National. Instead of the sondage, n'est-ce pas? Ah!